Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission. La parole est à vous. Voilà, avec de nombreux invités. Ça nous change de l'habitude. Hein. Généralement, on a deux, trois invités. Là, on en a quatre. On va se présenter peut-être autour de la table pour savoir qui est qui. Mais c'est de toute façon, tout le monde appartient à Asile 88. On vous avait annoncé, Marion vous a annoncé cette émission. Voilà, on commence par les dames. Oui, il y en a beaucoup. Bonjour, on fait un tour de table. On fait un tour de table, voilà. On répondra aux questions. Merci de nous avoir invités aujourd'hui. Voilà, moi je suis Marie-Christine Grivel, j'habite près de Remiremont et je fais partie d'Asile Accueil 88 au niveau du groupe de Remiremont et au niveau départemental, au niveau du conseil d'administration. Bonjour, Brigitte Philippe, j'habite Saint-Étienne-lès-Remiremont et je suis Asile Accueil depuis pas très très longtemps, environ 18 mois. Voilà, suis entrée parce que j'avais un petit peu de temps disponible à consacrer un petit peu aux autres. Et puis vous êtes la voisine, quoi. Moi, je suis Odile Simona, j'habite à Dommartin-lès-Remiremont. Et je suis à Asile Accueil, je pense, depuis ses débuts. Claude Grivel, également de Dommartin, et également dans le groupe Asile Accueil, au moment où il s'est constitué en association sur le secteur de Remiremont. Voilà, et Claude, on le retrouve parmi nos partenaires, puisqu'on a pour partenaire Ademat pour le magazine Santé. Oui. Voilà, et Claude fait partie du conseil d'administration d'Ademet. Tout à fait, et de nombreuses autres associations. entre autres, bien sûr. On est tous un peu dans la même situation, c'est-à-dire à être dans plusieurs associations. Et je vous rappelle aussi que Radio Guémozo est l'association loi 1901, hein, gérant donc une radio locale depuis 1981, on va dire, avec des hauts débats, bien sûr, hein, comme toutes les associations, mais depuis bientôt 40 ans. Bravo. Voilà. Alors, Asile 88, si on veut reprendre un peu la chronologie des faits, depuis les années 90, il y a quelques associations, il y a quelques mouvements, quelques collectifs qui se sont mis en place pour venir en aide aux migrants. Apporter de l'aide concrète la plupart du temps, puis surtout les aider dans des démarches administratives qui s'avèrent toujours extrêmement compliquées. Donc, je le disais avant le début de cette émission, le premier collectif qui s'est mis en place, qui était au moins sur le secteur d'Ormiremont, voire départemental, s'est mis en place à l'initiative de la radio locale et d'Éric Defresneau à l'époque. Voilà, ça date plus de 20 ans en arrière. Parce qu'on avait deux Guinéens qui habitaient à Remiremont. Et donc, on avait voulu quand même leur donner l'expression, hein, une expression libre, et puis les aider. Les aider aussi par le fait qu'une radio, c'est la vocation d'une radio locale aussi de soutenir les actions locales. Voilà, et Asile alors. Qui va m'en parler comment qu'elle s'est constituée, comment que ça s'est déroulé. Je peux simplement parler peut-être de ce que j'ai vécu dans les débuts. Donc, un peu à l'initiative du comité des sans-papiers, sur Remiremont, nous étions plutôt des personnes individuellement qui rencontrions des personnes migrantes qui habitaient à Remiremont. C'était un peu, j'allais dire... Chaque personne essayait de rencontrer les unes les autres, mais sans trop de liaison. Voilà, on les rencontrait, on essayait de voir avec eux ce dont ils avaient besoin, mais c'était un peu comme ça. Et petit à petit, on s'est aperçu que ce qui serait bien, c'était un peu, justement, de créer une association pour relier un peu toutes ces initiatives plus ou moins personnelles. Et c'est comme ça que, petit à petit, on s'est dit, allons-y. Donc, il y a eu des initiatives, il y a eu des démarches. au niveau des différents comités aussi sur le département. Et c'est comme ça que Asile Accueil 88 est né. Voilà, à force d'avoir des initiatives personnelles, on est arrivé à un besoin plus collectif. L'idée, c'était effectivement d'éviter que chaque bénévole se retrouve un peu seul face à des situations souvent très compliquées. Voire dramatiques. Donc, il y avait un peu l'objectif de se soutenir les uns les autres, d'apporter aussi les compétences des uns et des autres dans le collectif. Et puis, l'idée aussi de faire en sorte que ceux qui avaient été à l'initiative ne se retrouvent pas toujours tout seuls en première ligne face à la presse, face aux autorités administratives, etc. D'où l'intérêt de créer une association. Alors, départementale, avec des antennes dans des différents lieux. Donc aujourd'hui, Marie-Christine pourra en parler un peu plus, puisque c'est elle qui représente le groupe d'Hormiremont au niveau du département. Il y avait aussi des initiatives, si je me souviens bien, de Cercle du Silence. Tout à fait. Alors, c'est durable peut-être. Ça continue. C'est toujours durable. Moi, je sais que j'étais au départ des Cercles du Silence et on le faisait à Gérardmer. Après, on l'a fait à Épinal. À la gare. Et maintenant, c'est une tradition. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, à 18h, devant la gare à Épinal. Et il y a aussi un Cercle du Silence à Saint-Dié. Oui. Ça, c'est régulier, pas de problème. Alors, ce Cercle du Silence, en quoi consiste-t-il ? Comme son nom l'indique, on fait un cercle, on se met en rond et on se tait. On ne dit rien du tout et c'est pour protester, mais silencieusement et j'allais dire pacifiquement, contre ces expulsions, ce manque d'humanité dans l'accueil des migrants. La seule chose qui dit qui on est, ce sont des pancartes que l'on met au milieu du cercle et qui disent ben voilà, on n'est pas d'accord avec ce que l'on fait, le manque d'accueil au niveau des migrants. Voilà. Mais ça existe toujours et c'est régulier. Et on invite d'ailleurs toutes les personnes à nous joindre parce que ce n'est pas uniquement Asile Accueil, il y a plein d'autres mouvements et d'autres personnes individuelles qui s'y joignent. Vous trouvez des partenaires dans le département ? Vous comptez sur l'appui de la radio locale, bien sûr, comme partenaire. On va parler un peu du département, peut-être. Oui, parce voilà. Parce que là, effectivement, il faudra qu'on explique Remiremont, ce qui se passe à Remiremont, puisque ceux qui nous écoutent, je pense, sont ceux qui sont proches de Remiremont. Au niveau du département, et je vais parler des partenaires, parce que c'est une dimension importante de l'ambition aussi d'Asile Accueil, qui est de ne pas travailler tout seul, pas seulement au Cercle du Silence, mais dans les actions quotidiennes. Au niveau du département, donc, il y a 250 adhérents actuellement au niveau des Vosges. Il y a 4 groupes organisés, on va dire, qui sont assez anciens. Le groupe de Gérardmer, le groupe de Saint-Dié, le groupe d'Épinal et le groupe de Remiremont. Et au niveau départemental, le CA travaille à une réflexion, à une cohérence des actions, à une mise à disposition de moyens et à impulser des actions au niveau départemental, à réfléchir sur les problèmes les plus complexes, parce qu'il y en a. Il y a notamment maintenant de plus en plus de personnes migrantes qui sont logées par l'État dans des hôtels dans la plaine. Et la plaine, c'est vaste, de Neufchâteau, Vittel, Contrexéville, Mirecourt, Rambervillers, Charmes, enfin voilà. Et là-bas, nous n'avons pas de groupe constitué de bénévoles d'Asile Accueil 88. Donc c'est, voilà, je pense que la situation est un peu compliquée. Il est vrai que de ce côté-là, la population est plus clairsemée. Oui. Voilà, donc on réfléchit à tout ça au niveau départemental, plus à des contacts officiels avec nos partenaires, alors qu'ils sont larges, puisqu'il y a des partenaires institutionnels, comme la préfecture, le conseil départemental, les associations déléguées par l'État pour accueillir les migrants au niveau matériel, logement, accompagnement. Donc ces associations sont la Fédération médico-sociale, la FMS, ADOMA, et puis d'autres associations aussi qui n'existent pas sur Remiremont, dont le nom m'échappe un peu, je ne sais plus. Donc voilà, des associations qui ont des travailleurs sociaux et qui font un travail remarquable d'accompagnement avec lesquels travaillons, enfin, nous avons des contacts. Qui gère les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà, qui gère, entre autres, les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et puis après, nous avons souhaité créer un collectif qui existe au niveau départemental depuis 2 mois. Enfin, il y a eu un travail de préparation l'an dernier, de lien entre ces associations départementales qui se soucient du sort des migrants. Ce collectif est en train de naître. Voilà, il s'appelle Réseau Migrants 88. Pardon. Il regroupe pour le moment cette association. Je peux vous dire qui c'est, si je les retrouve toutes les 7, c'est le Secours catholique, c'est la Ligue des droits de l'homme, la Croix-Rouge, le CCFD, Asile Accueil 88, la Ligue de l'enseignement et Amnesty International. Voilà, donc il y a un travail de fond qui est fait. Bon, il n'est encore pas visible ce travail, mais en tout cas, ça nous a toujours paru important de... Là, au niveau départemental, mais aussi au niveau local, et c'est pour ça qu'on est là ce matin aussi pour parler, ça nous a toujours paru important que ce souci des migrants qu'on porte ne soit pas un souci qui nous appartienne qu'à nous. C'est un problème de société. D'ailleurs, on le voit bien. On le voit surtout au niveau des élections, puisque là, ça peut se déchirer et se cliver à ce moment-là dans la population française, bien sûr. Mais c'est un problème de société. C'est un problème de société qui ne va pas se terminer comme ça si vite, c'est toujours prégnant et il faut que tous les citoyens soient conscients de ça. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une parole qui se libère pour faire des échanges, pour faire des débats. On n'a pas une vérité. Je veux dire, nous aussi, on se pose des questions, mais il est vraiment important que tous les citoyens se la posent et réfléchissent. Voilà pourquoi l'action du département est aussi importante. Alors, quels sont les obstacles? Je suppose qu'il y a la législation en vigueur, déjà, qui est souvent un obstacle, mais pas seulement. Peut-être qu'il faut ajouter, excuse-moi, je pense qu'il faut ajouter aux partenaires quand même tous ceux qui facilitent la vie de ceux qui arrivent sur notre territoire, localement, et puis bon, notamment les autres, les associations de secours catholiques, le Secours populaire, la conférence Saint-Vincent de Paul, enfin... Quelquefois les municipalités. Les Restos du Cœur, parfois les municipalités. On a même effectivement des exemples positifs de certaines municipalités qui posent des actes concrets. Je pense qu'il faut ajouter tout ça aux bénévolat. C'est un élan important parce que très très souvent... On parle d'une ambiance difficile par rapport aux migrants. On a toujours tendance à parler de rejet, de racisme, etc. Mais il y a quand même une partie de la population, une grosse partie de la population qui s'investit dans l'accompagnement et dans l'accueil. Donc je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Oui, il faut parler du positif. C'est extrêmement important. Oui. Et je crois que derrière tout ça, c'est la représentation de notre pays. Hein. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Beaucoup de gens viennent en France parce qu'il y a cette aspiration à la liberté. C'est aussi un pays riche hein, par rapport à d'autres. Donc forcément, ça donne envie peut-être de venir plus facilement s'installer chez nous. Et en réalité, quand les gens arrivent, les dispositifs législatifs, les conditions de vie, les conditions matérielles, et parfois aussi le rejet des habitants, font que c'est quand même très très difficile de trouver une solution et une place dans notre pays avec un statut, etc. Donc quand on parle de migrants, on parle de beaucoup de personnes à statut très différent. Hein. Il y a des gens qui arrivent... Enfin, la seule solution pour pouvoir être régularisé vite, c'est d'être reconnu demandeur d'asile. Or, pour être demandeur d'asile et pour être reconnu comme tel, il faut avoir des critères, remplir des critères très spécifiques. Il faut avoir les preuves. Il faut avoir des preuves, il faut pouvoir le justifier. C'est très, très compliqué. Et c'est aussi parce que notre pays a beaucoup de mal à avoir une politique très claire par rapport à l'immigration en général et au besoin d'accueillir pour des raisons économiques, pour des raisons de travail, etc. Et on a beaucoup de gens qui viennent aussi dans notre pays parce que leur pays, c'est la misère, c'est les difficultés sociales et environnementales, c'est... la guerre aussi. Mais quand c'est la guerre, je dirais, c'est plus simple pour obtenir un statut. Mmh. Hein, mais encore que. Mais c'est quand même plus facile d'avoir un statut de réfugié quand on vient d'un pays en guerre. Mais quand on vient d'un pays où c'est la misère, où c'est la corruption, c'est le règne de la mafia, etc., c'est beaucoup plus difficile d'être reconnu comme demandeur d'asile. Et souvent, on a un peu le sentiment que les gens pourraient repartir chez eux parce que pour la France, entre autres, pour l'Europe, ce sont des pays dits libres, reconnus sûrs, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Quoi. Alors que l'Office, l'OPRA, rejette à peu près 95% des demandes. Oh non, pas tant. Pas tant. 80. Oui, c'est... Entre 20 et 30% oui. D'acceptation. D'acceptation. Ah oui, non, quand même. On en pour voit la quand France même. Ou bien pour les Vosges. Disons que d'une manière générale, l'OFPRA accepte une quinzaine, 20% des demandes. 27. Et puis la Commission nationale du droit d'asile octroie encore plus de demandes. Donc voilà. Mais globalement, ça veut dire quand même qu'il y a une très, très grande majorité qui n'ont pas de statut, qui ne l'obtiendront pas et qui se retrouvent dans des situations extrêmement complexes parce qu'ils ont envie de rester en France. Je crois qu'il faut insister là-dessus. Il y a un désir de vivre en France, il y a un désir de rester ici, de ne pas repartir au pays malgré toutes les difficultés. Et rester en France, ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir travailler, etc. Or, ils n'ont pas le droit de travailler et ils n'ont pas le droit de vivre dans des bonnes conditions. Donc, ça, c'est un vrai problème. Oui, je voulais dire, ils ont le désir de rester en France, ils ont surtout la peur d'être obligés de retourner au pays, même si c'est un déchirement pour eux. De plus avoir ces contacts avec leur famille, avec leur culture. Enfin, ils ont tout rompu. Il y a une rupture très forte, une perte très forte qui s'estompera peut-être, mais c'est difficile. Hein. Je disais il y a pas très longtemps, enfin, j'écrivais il n'y a pas très longtemps comme exemple des familles qui ne peuvent pas aller à l'enterrement d'un proche qui est décédé au pays. C'est du père, de la mère qui décède au pays. C'est terrible pour eux. Ça va même plus loin. Il y a 2 ans, ici, au Tillot, vivait un jeune couple avec 2 jeunes enfants. La maman est décédée d'un cancer, voilà. Et le corps de la maman est reparti au pays et son mari n'y a pas été. Je veux dire, voilà, tout a été organisé pour que ça soit... Voilà, il y a eu un financement spontané des proches, etc. Mais... c'est terrible, quoi. Et s'ils ne repartent pas au pays pour les enterrements, c'est bien qu'il y a une raison. Ils ne sont pas venus en touristes pour nous voir notre joli pays. C'est extrêmement... C'est dur. C'est des manœuvres extrêmement périlleuses. Hein, et le retour en arrière n'est plus possible. Ils le vivent comme ça, en effet. Je crois que c'est ce qu'il faut répéter quand même à des personnes qui ne comprennent pas la situation, qui sont hostiles aux migrants. Le retour en arrière n'est plus possible. Oui. Ils ont tout abandonné derrière eux. Quelquefois, même, ils sont menacés. Et le retour en arrière n'est pas possible. Donc, même s'il y a un ordre d'expulsion, ils resteront clandestins, ils resteront là, quoi. Un autre monsieur, comme autre exemple, il y a un monsieur que je connais qui disait « Je préfère rester en prison en France plutôt que de repartir. » C'est sûr. Voilà, tellement la peur est forte, bon, pour des raisons familiales, c'est pas la guerre, effectivement, mais pour des raisons de corruption, de mafia, etc., de vengeance, de vendetta, il y a des histoires très lourdes, et l'État, dans ces pays-là, l'État ne protège pas. Bon, voilà, on va pas... On n'arrive pas à protéger, ne veut pas, parce qu'après, il y a des États qui sont un peu corrompus aussi, des États. Bien sûr. Des gouvernements ou qui sont un peu mêlés à tout ça, mais bon... Puis il y a des conflits quelquefois interethniques. Oui, qui vont provoquer l'immigration, forcément. Oui, surtout en Afrique, c'est sûr. Puis ici, dans les Vosges, entre autres, on accueille beaucoup de personnes qui viennent des pays de l'Est, ou des pays Balkans, etc. Donc c'est des pays qui ont été traversés par des crises politiques, des guerres, des conflits. Comme le Kosovo, par exemple. Voilà, l'ex-Yougoslavie, l'ex-bloc de l'Est. Hein, donc voilà, c'est une immigration un peu particulière, parce que ce sont des gens qui sont des pays qui ne sont pas stables, où il y a eu beaucoup de clivages entre les différentes familles. Les frontières ont bougé, etc. n'ont pas cessé de changer. Et tout ça crée une instabilité qui est très compliquée pour eux. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, par rapport sur le plan politique, on peut considérer que les choses sont réglées, alors qu'elles ne le sont pas du tout. C'est le cas, par exemple, du Kosovo. Kosovo, Croatie, l'Albanie aussi. De nombreuses interventions ici. Les Albanais sont les plus nombreux, sur Remiremont. Oui. On va peut-être justement profiter pour décrire, pour donner des chiffres simples, concrets, sur ce qui se passe sur Remiremont, par exemple. Combien il y a de personnes qui vivent sur Remiremont et la vallée de la Moselle. Donc, c'est Brigitte qui va. C'est Brigitte. Oui, oui. Donc sur Remiremont et la vallée de la Moselle uniquement, et parce que pour le moment il n'y a personne sur la vallée de la Moselotte. Donc nous avons 53 familles qui vivent là, accompagnées de 122 enfants, y compris 122 enfants. À Remiremont, dans des logements donc, qui sont des CADA et dans un hôtel, sont accueillies 32 familles et 88 enfants. Donc, ce qui représente tout de même un certain nombre de personnes. Et des structures collectives à Rue, à Fraisse, au Tillot, à Saint-Maurice, il y a 21 familles, dont 38 enfants logés dans des hôtels. Les pays d'origine dont viennent ces personnes sont surtout Arménie, Kosovo, Albanie, Kazakhstan, Syrie, Tchétchénie, Serbie, Ukraine, Monténégro, Congo, Nigeria. Donc on oui, c'est étonnant que ça puisse paraître. Il n'y a pas beaucoup d'Africains. Non, pas dans les Vosges. Enfin, ou bien alors ils trouvent refuge. Parce que quand tu parlais des 90 ou des 95, il faut voir aussi les personnes qui ne veulent pas se signaler parce qu'ils savent très bien que, de toute façon, ils vivent dans des familles, ils ne veulent pas mettre non plus. Il y a une estimation officielle et puis une estimation qui pourrait être beaucoup plus nuancée par rapport à la réalité de la migration. Hein, parce que les Africains, demandent... par exemple, sont très solidaires entre eux et accueillent volontiers des personnes qui ne vont pas être déclarées parce qu'ils savent bien que s'ils sont déclarés, ils mettent aussi en responsabilité les familles qui les accueillent. Oui. Alors c'est toujours assez compliqué. Hein, c'est toujours assez compliqué. C'est plus sur la région parisienne quand même qu'ici. Oui, quoi. Oui. Hein, ici, oui, il y en a plus en partie à Paris, mais il y en a ici, bien sûr. Oui, oui. Je risque pas de citer des noms, je risque pas de citer des lieux, mais j'en connais fatalement. Oui. Hein, et puis il y a une réalité qu'on n'a pas dans ces chiffres-là, c'est les mineurs isolés qui sont plus issus aussi de l'Afrique et qui sont accueillis par le département des Vosges, entre autres. Là, il y en a quand même pas loin de 300 aujourd'hui. Ils font l'objet d'un traitement à part. Qui sont pris en charge spécifiquement. À l'OFPRA ou à l'OFPRA. Tout à fait. Oui. Ils ne passent pas à l'OFPRA tant qu'ils n'ont pas 18 ans. Hein. Donc ils ne peuvent déposer personnellement une demande d'asile que quand ils ont 18 ans. Ils ont 18 ans, donc avant leurs 18 ans, ils ont une prise en charge particulière par l'aide sociale à l'enfance. On peut en parler un peu, mais c'est vrai qu'Asile Accueil 88 ne s'occupe pas des mineurs. Mais c'est très important parce qu'il y en a de plus en plus, parce que forcément, ils n'ont pas l'autonomie qu'on peut supposer être réelle dans les familles où il y a des adultes. Et qu'il y a beaucoup à faire, quoi. Hein. Et que tous les départements, et comme c'est à la charge des départements, tous les départements ne donnent pas les mêmes réponses. Et tous les préfets ne donnent pas aussi les mêmes réponses. Donc on ne peut pas en parler de façon très précise parce que j'ai peur de dire des bêtises. On a l'impression globalement, nationalement, parce que j'ai des échos par ailleurs, que la politique des préfets s'est durcie depuis un certain temps quand même, non ? La dernière loi, on savait, je veux dire, les états généraux d'immigration, donc il y a un grand collectif national qui a regroupé 400 associations il y a deux ans, s'est mobilisé avant la mise en place et le vote de la dernière loi, parce qu'on savait bien que ça allait largement durcir les choses. Bon, on n'a pas obtenu grand-chose, mais... Et le collectif continue à exister. Hein. Les états généraux d'immigration continuent à travailler ensemble et à produire des textes et des réflexions. Oui, enfin bon, je pense qu'on peut juste évoquer le fait que la réglementation évolue beaucoup, généralement pas toujours dans le bon sens. Bon, ce qui est très compliqué, c'est que chaque gouvernement veut faire son texte. Hein. Donc on a eu une succession de textes qui ont toujours été plus contraignants les uns que les autres, parce que en fait le monde politique se positionne plutôt en peur d'attiser la haine et le rejet et le racisme, et donc pense qu'il est nécessaire de mettre plus d'arsenal législatif pour. Et puis je pense qu'il y a des réalités qui nous rattrapent. Plutôt l'extrême droite en reprenant les thèses de l'extrême droite. Oui, c'est un petit peu ça. Mais bon, le, enfin, sans rentrer complètement dans ce débat, ce qui est clair aussi, c'est qu'on a une réalité. C'est qu'en fait, la France et les Vosges sont concernés très fortement par ça. On est un pays qui vieillit, qui a du mal à se repeupler, je dirais. À renouveler les générations. Et de tout temps, la France, comme les autres pays européens, en fait, ont fait leur richesse en utilisant en fait, les migrations. Hein. Je crois que c'est culturellement une réalité. Et économiquement, et aussi une richesse et une chance pour nos pays d'avoir pu s'appuyer sur les différentes formes de migration. Alors, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec la montée des courants un peu xénophobes, etc., on a eu tendance à vouloir resserrer, ce qui fait qu'on n'a plus de loi sur l'immigration normale, sur l'immigration économique, etc., et on est tout le temps sur l'aspect approche, refuge politique, droit d'asile, etc. Mais strictement le droit d'asile. C'est valable pour une grande partie de l'Europe. C'est valable pour une grande partie de l'Europe. Sauf, ça pose, sauf l'Europe du Nord. Quand même. Or, on est dans une mondialisation de l'économie. On libéralise la circulation des biens. On a beaucoup plus de mal à libéraliser la circulation des personnes. Bon, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, en France, de fait, on aurait, et dans les Vosges en particulier, on aurait intérêt à être plus accueillant parce que c'est la richesse de demain. Et on a aussi cette réalité qu'aujourd'hui, le monde économique, les entreprises en France ont de plus en plus de mal à trouver une main-d'œuvre pour dans certains secteurs. Dans certains secteurs, mais il y a des secteurs de tension importants. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est le monde économique qui commence à faire bouger le monde politique et administratif parce qu'il y a des besoins de trouver des gens à faire travailler, quoi, hein, c'est clair. Oui, en sachant bien qu'on dit souvent deux choses. La première, qu'on construit des murs partout. Il n'y a jamais eu tant de murs depuis même du temps du rideau de fer. Il n'y a jamais tant de murs qu'aujourd'hui. Hein, on les cite partout. Ça devient quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que la deuxième chose qu'il faut conclure, c'est que l'argent circule à la vitesse de la lumière. Et puis on a mis des obstacles partout. Mmh. Et la circulation des personnes n'est plus possible. Alors que dans l'histoire, l'immigration, c'était quelque chose... C'est absolument normal. Oui, c'est absolument normal. Avant que des nationalismes exacerbés, ceux du siècle dernier, ont provoqué des, y compris des pogroms. Oui, puis voilà, bon. Si vous voulez bien, on va s'accorder une pause musicale que vous avez choisie. Oui. Alors, c'est. Je ne sais pas si la première, c'est Juliette qui chante Aller sans retour. Il faut écouter les paroles. Bon, elles sont fortes, elles sont. Réelles, enfin, elles traduisent la réalité. Je fais un petit coucou à Christopher derrière, qui va lancer. Derrière la vitre qui assure bénévolement la technique de l'émission. Voilà. Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère. Et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis ou pour quel enfer? J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage. Sa vieille valise et sa veste usée, au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour. J'oublierai cette heure. Je vais revenir. J'oublierai même. ce n'est pas facile d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez, sans retour, allez. Que j'oublierais si j'étais l'un d'eux, mais cette chanson n'est qu'un triste jeu. Et quand je les vois passer dans nos rues, étranges étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui la faim, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire. À l'antenne, hein, la discussion reste bien entendu animée pendant cette pause musicale. Alors, c'est Juliette. Un petit commentaire par rapport à ça? À Juliette? Oui. C'est une chanson très, très prenante et elle nous touche bien sûr à cause des paroles, mais aussi parce qu'on a eu l'occasion de faire à Épinal cet été, je crois, au cours de la fête à Épinal, qui était, je ne sais plus. C'est Imaginal, non? Non. C'était au mois de juin. Mois de juin à Épinal, excusez-moi, voilà ce qui se passe à Épinal. Donc, manifestation culturelle, voilà. Voilà, de faire un flash mob. Alors, on est sur la place des Vosges, voilà, rue et compagnie, merci Brigitte. De faire un flash mob sur cette chanson avec des gens divers et variés, dont des migrants. Depuis Remiremont, on est allé au Dilémois avec quelques enfants, donc ados, quelques parents aussi, hein, migrants, qui sont venus avec nous. Et on a participé à ce flash mob. Donc c'est un souvenir fort. Voilà, c'est tout. Enfin, puis aller sans retour, et ben, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont une valise, ils partent et ils ne reviennent pas, c'est ce que tu disais. Ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas, voilà. En tout cas, dans leur tête, ce n'est pas possible. Et malheureusement, il y en a quand même beaucoup qui sont bloqués dans des camps. Oui, alors ce qui n'est pas le cas, effectivement, dans les Vosges. Dans les Vosges, on a une situation où personne n'est à la rue pour le moment. Je dis ça pour le moment parce qu'on a... On ne sait pas ce qui se passe en Libye, par exemple, un peu par du temps. Oui. Je termine juste ma phrase sur les quelques craintes qu'on a dans les Vosges, parce que c'est des craintes fortes, sur une décision préfectorale de faire quitter l'hôtel aux personnes qui sont déboutées du droit d'asile et qui ont une obligation de quitter le territoire français et qui ne quittent pas le territoire français pour les raisons qu'on a longuement évoquées tout à l'heure. Et donc cette décision préfectorale, voilà, se traduit par un arrêt de financement des hôtels au 31 mars. Il y a des familles, des personnes qui commencent à recevoir des lettres. Donc on n'arrive pas trop pour le moment à imaginer ce qui va se passer le 31 mars. Il y a des familles qui vont être à la rue. Enfin, on est un peu sur le qui-vive et inquiet. Je crois qu'il faut... C'est tous les ans pareil ou bien c'est plus marqué cette année? C'est la deuxième année. L'an dernier, ça concernait que les personnes seules sans enfants. Personnes seules ou couples sans enfants. Donc il y a eu une vingtaine de personnes concernées sur les Vosges. Il y en a qui sont parties, il y en a qui ont été accueillies chez des amis. Enfin, ça a été assez compliqué. Cette année, il y a des familles avec enfants qui reçoivent les courriers. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Je crois qu'il faut expliquer pour les auditeurs que on est dans un dispositif un peu compliqué. On a un État qui accepte de traiter les demandes d'asile. Ça prend plus ou moins longtemps. Il y est obligé par les lois internationales. Voilà. Ça prend de moins en moins de temps, d'ailleurs. Aujourd'hui, les procédures sont accélérées. Mais lorsque les gens sont déboutés, lorsque les décisions sont prises, eh bien, normalement, ils sont censés repartir dans leur pays d'origine. En tout cas, l'État pense qu'il faudrait qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Mais la réalité, c'est qu'ils ne repartent pas. Et que, de fait, leur volonté de venir dans le pays est tellement forte qu'ils restent. Et donc, dans beaucoup de situations, on reloge les gens, on les fait sortir des logements dans lesquels on les a installés pendant le traitement de la demande d'asile, pas toujours d'ailleurs, et puis on les reloge comme on peut dans des hôtels, et la plupart de nos hôtels sont d'ailleurs vivent grâce à ça quelque part, et c'est l'État qui finance cet hébergement dans les hôtels. Pour nous, c'est pas une condition toujours de bonne, c'est pas une bonne solution, parce que c'est pas toujours des bonnes conditions. Ils peuvent pas cuisiner normalement, ils vivent dans une certaine promiscuité avec les enfants, etc. C'est pas vraiment une bonne solution, mais en même temps ça prend des places pour les nouveaux arrivants. Hein. Et donc l'État est obligé de libérer de temps en temps de la place pour pouvoir accueillir de nouveaux arrivants. Et donc c'est ce phénomène-là qui provoque périodiquement des mesures d'expulsion, en fait, entre guillemets. D'expulsion, hein, du logement. Du logement, hein, ou du logement en hôtel, pour pouvoir libérer de la place pour les autres. Quoi. C'est un système un peu où comme on n'arrive pas à sortir par le haut, eh bien, on essaye de faire un peu de place par le vide de temps en temps. C'est ça, oui. Et les camps de rétention? Alors, les centres de rétention. Bon, les camps, c'est... Attends, ça veut dire camp, parce que... un autre mot qui allait avec camp. Non, mais bon, les centres de rétention, c'est des zones tampons un peu entre le retour au pays ou l'arrivée. Enfin bon, alors il y en a... C'est quand même une forme d'enfermement. C'est un enfermement. Oui, c'est un enfermement. C'est considéré comme ça, comme les autres lieux de privation de liberté. Ouais. Ce qui fait que le juge... Il y a trois lieux de privation de liberté. Il y a la prison, normale. Il y a l'hôpital psychiatrique où on peut interner quelqu'un contre sa volonté. Et il y a les centres de rétention. Ce qui fait que dans le centre de rétention, il y a un juge des libertés qui est obligé d'aller vérifier si les conditions sont respectées. Hein, si toutes les procédures ont été bien respectées. C'est pareil dans les autres lieux. En hôpital psychiatrique, c'est pareil. Il y a un juge des libertés qui voit les gens qui sont enfermés contre leur gré et qui vérifie que les procédures sont bien ont bien été respectés. Le juge des libertés n'intervient que sur les procédures, pas du tout sur pourquoi les gens sont là, pourquoi ceux-là sont enfermés, pas les autres, etc. Donc, voilà. Et ils sont pleins, les centres de rétention. On a un exemple, là, cette semaine, là, d'un monsieur qui a été arrêté sur la route, un monsieur d'origine albanaise. Il a été arrêté. Il a été conduit au centre de rétention de Metz. Il a été conduit hier matin au centre de rétention de Roissy pour repartir dans son pays. Donc il a refusé d'embarquer. Et comme le centre de rétention de Roissy est plein, enfin, imaginez ce que ça peut représenter comme population, il a été ramené à Metz, où c'est plein aussi. Il n'y avait pas de chambre pour lui, mais enfin, il est revenu à Metz. Voilà. C'est des moments très durs, d'autant plus que maintenant, l'an dernier, c'était déjà comme ça. On a d'autres exemples. La décision est prise d'envoyer l'homme, le papa, enfin le père de famille, en centre de rétention. La femme reste là avec les enfants. Donc c'est le cas pour ce monsieur dont je viens de vous parler. J'ai rencontré sa femme hier soir et les trois gamins de moins de 12 ans. Et le monsieur est seul et le monsieur peut repartir seul. Là, c'est la Serbie, le Monténégro, qui est la Serbie. Il est possible qu'il reparte seul et que sa femme reste seule avec les enfants. Il y a quelques années, on ne séparait pas les familles. Hein. Oui, on n'arrivait pas, on ne faisait pas repartir un membre d'une famille sans le reste de la famille. Oui, les dernières mesures ont été prises. Alors que là, aujourd'hui, aujourd'hui on n'hésite plus. Les législatives ont été prises, maintenant on peut séparer. Ouais. On peut séparer les familles, ce qui est dramatique. Ce qui est totalement inhumain. Quoi. C'est un moyen de pression pour les préfectures, parce que je généralise, je pense que c'est partout pareil. Dans la mesure où les préfectures disent en permanence à ces personnes, vous devez repartir, vous n'avez pas vocation à rester en France, nous n'avons pas le souhait que vous restiez en France, vous ne devez pas vous incruster en France. Les moyens de pression, ils arrivent de différentes manières. Hein, et celui-là, il est assez fort, bien sûr. Hein, parce que... Il n'y a même pas de droit de visite au centre de rétention, difficilement. C'est compliqué. Oui, on peut amener des affaires pour que les personnes aient de quoi s'habiller. Quelle est la position de la CIMAT par rapport à tout ça? Puisque là, la plupart du temps, ils sont les seuls à intervenir dans les centres de rétention, la CIMAT. Alors, il y a plusieurs associations ONG qui interviennent. Oui, par exemple, à Metz, c'est l'Ordre de Malte. Ouais. Il y a la CIMAT. Il y en a d'autres aussi, dont le nom ne me revient pas, là. Vous arrivez à conserver le contact avec ces personnes qui sont... En centre de rétention. Eh ben, soit on arrive à leur parler au téléphone, soit c'est par leur femme qui... Oui, ils ont un téléphone, c'est-à-dire on leur enlève leur téléphone à eux, ils doivent acheter un téléphone qui ne prend pas de photos. Hein, c'est comme... Donc ils ont un téléphone, puisqu'il n'est pas question qu'ils prennent les conditions de... Mais ils peuvent communiquer avec leur famille. Oui. Mais ils peuvent communiquer avec leur famille, on peut leur apporter des vêtements et des choses comme ça, oui. Mais c'est terrible, hein, je veux dire, la dame que j'ai vue hier, elle est mal, son mari est mal aussi, Mais ce n'a pas une très bonne réputation à ce qu'on a pu entendre. Oui, c'est difficile, d'en parler. Bon, les associations, les ONG qui sont sur place sont là pour aider les personnes, mais aussi pour témoigner. Si leurs libertés fondamentales sont respectées. Oui, c'est ça. Et elles le font. Hein. Je veux dire, elles communiquent sur le sujet quand les... J'ai l'impression que... Enfin, c'est peut-être une impression, j'aurais du mal à généraliser. Il y a moins d'enfants. Je veux dire, il y a eu tellement de réactions sur l'enfermement des enfants, des réactions au niveau international, puisque la France a été condamnée parce qu'elle était un des pays qui mettait le plus d'enfants en centre de rétention. Donc, je pense aussi qu'ils utilisent ce moyen-là parce qu'ils ne veulent plus mettre les familles avec enfants en centre de rétention. Donc, il n'y a que le père qui y va. Et donc, ça crée un autre processus. Autrement, il y a toujours le moyen. Et les familles ont très peur. Imaginez. Alors, elles ont très peur quand le père, quand elles voient une famille où le père est enfermé. Mais elles ont très peur aussi de l'autre moyen de retour aux frontières, de raccompagnement aux frontières, qui est le fait que la police arrive le matin à 6h du matin. Donc, c'est arrivé. Ça arrivera encore. Le préfet nous l'a dit. Le matin, avec les nouvelles lois, même la nuit. Voilà, oui. Pour amener toute la famille directement à l'aéroport, sans passer par la case de rétention, sans passer par le juge des libertés, bien sûr, puisqu'il n'y aura pas de rétention, donc il n'y aura pas de vérification de tout ça, mais directement à l'aéroport. Donc ça se produit de temps en temps, quand un avion est prêt. Voilà. Et les familles ont peur. Et les enfants grandissent dans cette peur, avec l'angoisse des parents, c'est assez terrible. Voilà. Je pense qu'il faut mesurer que c'est compliqué d'organiser tout ça. Enfin, c'est un vrai problème de société, quoi. La plupart des fonctionnaires, des gens qui gèrent les centres de rétention, des associations qui travaillent au cœur de ces dispositifs, tous ces gens-là sont soumis à des conditions... un exercice d'une fonction ou d'une responsabilité qui est loin d'être évidente, quoi. Je dirais même les services de la préfecture, etc. Mais bon, et les familles, ce que dit Marie-Christine est tout à fait vrai. Enfin, on maintient des gens dans des situations d'attente, de peur, d'angoisse. Il faut imaginer ce que ça peut donner quand, pour les enfants d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 10, 20, 30 ans, quel sera leur comportement vis-à-vis de la société quand ils auront, quand ils auront assimilé ou pas du tout ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Enfin, tout ça, c'est une responsabilité collective qu'on porte tous. Hein, d'où l'importance des bénévoles et du mouvement associatif et des associations comme Asile Accueil 88. Quelque part, il faut qu'un certain nombre de gens puissent faire passer le message qu'il faut redonner de l'humanité à tout ça. Si on traitait avec un peu plus d'humanité toutes ces procédures, toutes ces allées et venues, je pense qu'on passerait moins de temps, moins d'énergie, on dépenserait moins d'argent et on arriverait peut-être à faire fonctionner mieux notre économie et nos écoles si on était plus accueillant. Hein. Je crois que c'est ça qu'il faut entendre. Il n'y a pas cette volonté politique, au contraire. Au contraire, hein, pour donner des gages. Je crois qu'on peut pas. J'ai l'impression que pour donner des gages à l'extrême droite, oui, mais à l'instant, on durcit. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. J'entendais ce matin ce qui s'est dit, par exemple, au salon de l'agriculture hier entre Macron, au samedi, entre le président de la République et un jeune Congolais qui parlait des conditions de vie au Cameroun. Bon, on voit bien que le président de la République était prêt à intervenir. Ça crée un incident diplomatique grave, d'ailleurs, avec le Cameroun, parce que le président de la République était prêt à intervenir pour dénoncer les conditions. Je crois que tout le monde est, tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Je crois que chacun essaye de faire un peu ce qu'il peut, mais on sent bien qu'il n'y a pas une réflexion collective assumée, une politique qui serait assumée de dire il faut qu'on puisse résoudre les problèmes de ce monde et le faire dans l'humanité la plus grande et dans une certaine forme de fraternité. Ça, c'est effectivement difficile quand on est aux responsabilités, en situation de responsabilité politique ou administrative, parce qu'il y a des textes, parce qu'il y a des législateurs qui légifèrent généralement sous la pression d'une opinion publique exacerbée par les médias, d'ailleurs, hein, il faut le redire aussi. Il y a une conjonction de faits qui font monter un peu ces tensions dans notre société et qui font qu'on agit et on légifère sous la pression et on essaye d'être le plus prudent possible. Et ce faisant, on crée des situations qui sont ingérables. Odile. Je voulais simplement revenir et préciser que justement, dans ce sens-là, petit à petit, avec les moyens que nous avons au niveau d'Asile Accueil 88, sur Remiremont, les différents bénévoles essayent d'aller dans chaque famille et justement de pouvoir vivre des relations humaines, tout simplement, de bâtir des ponts, de tisser des liens et de vivre des relations humaines, mais tout à fait normales. On est des êtres humains avec des êtres humains. Et on s'enrichit les uns les autres. Les uns les autres. Je pense que, Brigitte, pourrais... Oui, pour rebondir ce que tu dis sur ce dont tu viens de parler, Odile, c'est vrai que moi je fais partie d'Asile Accueil depuis 18 mois et je interviens dans deux familles qui sont logées donc sur Remiremont. Alors j'interviens donc si ça intéresse des auditeurs parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles et de personnes pour intégrer l'association et accompagner des familles. Donc c'est un accompagnement qui est un petit peu personnel à chaque personnalité, on va dire, à chaque puisque nous sommes ce que nous sommes avec notre vécu, notre passé, nos idées. Mais simplement, c'est aller au contact des gens, tout doucement, se faire connaître, créer des liens, se faire accepter, leur montrer qu'on n'est pas là pour juger quoi que ce soit, mais qu'on est là éventuellement pour les aider dans des démarches administratives, pour des problèmes médicaux, pour ne serait-ce qu'aller boire un café, pour aller marcher un petit peu dehors, pour essayer de les sortir un petit peu, de leur faire connaître leur environnement, la ville de Remiremont, le bassin, la région, le département, etc. etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très, très compliqué à réaliser, qui prend un petit peu de temps, qui apporte beaucoup de choses, je pense, à chaque bénévole qui intervient, qui apporte peut-être, je l'espère, quelque chose aux familles, chez qui on va. On n'a pas... Oui, vas-y. Ne serait-ce que de les aider dans le français et à parler français. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, sur le bassin de Remiremont, Asile Accueil a normalement un bénévole qui va dans chaque famille qui a été trouvée. Je ne sais pas si on peut dire ce mot-là, trouver, parce que c'est souvent Odile qui va à la pêche aux familles, à la pêche aux informations, qui cherche, parce que comment savoir qu'une famille est arrivée, une nouvelle famille est arrivée à Remiremont, ben, il n'y a pas d'informations officielles. Donc c'est le réseau qui fonctionne, c'est les associations, c'est les gens qui sont dans la rue, les familles migrantes qui nous disent ben, on a vu quelqu'un d'autre, des enfants qui ont vu d'autres enfants et qui sont entrés en contact avec eux. Voilà, c'est tout un petit réseau, un petit maillage qui se fait comme ça. Voilà, donc nous essayons d'avoir une personne qui intervient dans chaque famille, que ce soit pour faire du français ou pour faire... Ou plus, ou pour faire ce que chacun a envie de faire, ce que chacun ressent. Voilà. Je crois que, quand même, la législation française, non seulement est l'une des plus dures d'Europe, hein, c'est-à-dire qu'on compare vraiment les lois avec d'autres pays, et puis en particulier avec les pays scandinaves. Et puis, il y a aussi, quand même, une particularité française, c'est qu'il n'y a rien de prévu, ou très peu, pour les cours de l'alphabétisation et autres. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu une génération, qui était déjà ancienne, qui est venue pour main d'œuvre, auquel on n'a même pas appris le français, et on n'a pas d'intégration. Par contre, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les petits jeunes, hein, souvent déjà à la maternelle, ils commencent à maîtriser le français. Mais tout à fait. Et puis à aider les parents à faire les démarches. Mais tout à fait. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Michel, sur Remiremont, au niveau de cours de français. Au centre social, il y a le lundi après-midi et le jeudi après-midi des cours de français. Qui sont bien insuffisants par rapport aux besoins. Mais ça existe. Ça existe et ils sont nombreux pour y participer. Il existe aussi le mardi après-midi des cours de français. Dans une petite salle où tout le monde est très resserré. Oui, mais il y a aussi des groupes optimales. Il y a aussi du français qui est fait par groupe. C'est du bénévolat uniquement. Le centre social. Non, c'est pas du bénévolat là. Au centre social de Remiremont, c'est pas du bénévolat. Ce sont des animateurs. Ils sont payés par la ville de Remiremont. Ça fait partie, j'allais dire, de leur mission. Non, c'est à remarquer quand même. Ça, c'est intéressant. Voilà. Par contre, le mardi après-midi au Secours catholique, c'est des bénévolats. Voilà. Et dans d'autres villes du département, notamment à Saint-Dié, il y a des cours organisés par une association. C'est assez différent. Je veux dire, on peut peut-être dire que c'est différent d'une ville à l'autre. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Oui, mais c'est vraiment une préoccupation quand même. Mais c'est la préoccupation de beaucoup de gens. Oui. Voilà. Parce que l'insertion, c'est aussi le français. On a certainement des exemples à suivre par rapport aux pays scandinaves, par exemple. Oui, sûrement. Non, ce qui est difficile. L'intégration, mais d'apprentissage. L'apprentissage de la langue, il est aussi en lien avec la capacité qu'on a de s'intégrer socialement et professionnellement. Et c'est clair que le fait de ne pas avoir le droit de travailler, par exemple, ça ne facilite pas. Si pour travailler, il faut savoir parler français, il faut savoir lire des panneaux d'informations sur la sécurité, il faut... Bon, donc c'est une condition nécessaire. Et c'est ce lien-là qu'il faut qu'on améliore, quoi. Il faut effectivement que les processus de formation soient plus généralisés pour faciliter l'insertion professionnelle, mais à condition qu'on ouvre cette possibilité de donner le droit de travail, quoi. Parce que je donne juste un exemple. Je suis allée hier à Saint-Maurice-sur-Moselle, où il y a 12 familles qui vivent dans un hôtel. Et ces familles bénéficient, par un bénévole d'Asile Accueil, d'une heure et demie de français par semaine. C'est tout. Là, collectivement, il n'y a rien d'autre organisé. On ne peut pas leur dire d'aller au groupe à Remiremont. Dans les groupes de Remiremont, ça coûte trop cher. Les transports, c'est un gros problème. Hein. Ça coûte très, très cher. Le bus, le SNCF, le train. Et pas seulement pour les migrants. Voilà. Donc, les personnes qui habitent dans cet hôtel, là, parfois depuis plusieurs années, elles ont une heure et demie de cours de français par semaine. On n'apprend pas le français comme ça. Je veux dire, c'est vrai que ceux qui ont des enfants, la plupart, apprennent aussi le français parce que leurs enfants sont accueillis à l'école. Et que là, il faut qu'on dise qu'à l'école, ça se passe bien, surtout... un peu partout, dans tous les exemples qu'on a. Les enfants apprennent vite le français, ils le parlent bien, ils ont l'accent vosgien, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je ne vois pas comment des adultes peuvent apprendre le français à 1h30 par semaine, voilà, sans être dans un bain de français, de langage. Ils ne côtoient que des personnes étrangères, à part la bénévole qui va les voir régulièrement, les travailleurs sociaux, etc. C'est aussi nous, bénévoles, en intervenant et en ne parlant au maximum que français, enfin, du moins c'est ce que j'essaye de faire, de toujours me faire comprendre en français pour mettre un maximum de langues françaises possible. Mmh. Voilà. Mais c'est trop peu. Une heure et demie. C'est trop peu. Bien sûr que c'est trop peu. Alors on s'accorde encore une pause musicale puisque vous avez choisi. C'est une chanson de Corneille, hein, c'est ça. Donc Corneille qui est un rescapé du génocide du Rwanda, hein, malgré tout ce qu'il a vécu, aujourd'hui fait un parcours d'artiste avec une résilience extraordinaire et qui est en capacité en fait de continuer à vivre sans rancune. On a accueilli à plusieurs reprises Carrie Barry qui était un des gosses qui avait échappé au génocide du Rwanda. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères, si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vide et incertain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Je dis pire que notre histoire n'existe pas. Et quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même en amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. Chaque instant, bien avant que s'éteigne la lumière. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire, mes chers. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Chaque jour, chaque jour. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. qu'on vient de loin. Et voilà, nous reprenons l'antenne pour conclure cette émission parce que le temps passe vite avec Asile 88. Pouvez-vous nous donner quelques petits contacts comme ça s'il y a des bénévoles qui se sentent quand même la vocation de vous aider, la vocation des migrants en particulier? Oui, merci. On va le faire en disant que chaque bénévole agit comme il peut, avec le temps qu'il a. Il n'y a pas de... Voilà, donc c'est très souple. Il faut adhérer à l'association quand même. Il faut adhérer à l'association. L'adhésion est libre, il n'y a pas de tarif. Donc ce n'est pas très compliqué. Mais en tout cas, le temps est souple et adapté à chaque bénévole qui peut offrir ses compétences. Donc dans un premier temps, on se rencontre et puis on définit les choses. Les deux mails que je peux vous donner, donc c'est le mail d'Odile qui est en face de moi. Odile Simonin 88, tout attaché en minuscules. @gmail.com et puis le mien en minuscule mc comme Marie-Christine mc.grivel@orange.fr. Et le numéro de téléphone éventuellement, parce que tout le monde n'a pas forcément... Non, vous préférez pas, je comprends. Non, on préfère être joint par mail, s'il vous plaît. Désolée, mais c'est mieux. Voilà, merci en tout cas, Radio Gémozo, de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, à très bientôt. Bien sûr, quand vous voulez. On reprend contact avec Gémozo. Quant à moi, je souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous, qui sera un dossier consommateur. À très bientôt.